De la grande visite à Ville-Saguenay, Laurent Duvernay-Tardif va venir à l'UQAC pour faire bouger un peu les jeunes. C'est un programme dans le cadre de sa fondation. Question de parler un peu de sa fondation, parler également de la saison, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de personnel chez les Chiefs de Kansas City et dans la division dont Laurent évolue. On parle avec l'excellent joueur Laurent Duvernay-Tardif. Salut Laurent! Salut! Laurent, d'abord, avant tout, parle-moi de ta fondation. Bien, la Fondation Laurent Duvernay-Tardif a été mise sur pied il y a environ un an. Puis elle a pour but de promouvoir l'activité chez les jeunes, mais aussi de promouvoir le lien entre le sport, les arts, les études. Bref, essayer que les jeunes soient plus équilibrés, qu'ils touchent à tout. Puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui à Chicoutimi. On lance la tournée Bouger avec LDT. On va visiter 600 universitaires au Québec au cours des prochains mois. Dans le fond, on a une centaine de jeunes à chaque fois qui vont venir faire du sport avec nous sur différents plateaux. Puis on est vraiment hâte. Aujourd'hui, on est à Chicoutimi, puis on lance la tournée du pompier avec une centaine de jeunes de la région. Vous avez un rôle vraiment à jouer, hein, parce que, tu sais, c'est bien beau, on a Pierre Lavoie, que tu n'as peut-être entendu parler, mais, tu sais, quelque part, moi, quand j'étais jeune, c'était les expos, on voulait tous être Marquise Grissom, on voulait tous être Delino Deschilles, Tim Raines, et ainsi de suite. Les jeunes, aujourd'hui, veulent peut-être être un Laurent Duvernay-Tardif aussi, là. Mais peut-être, écoute, puis je l'espère qu'on va être capable d'influencer le plus de jeunes possible. Nous, avec la Fondation, c'est ça le but, c'est vraiment de transmettre notre passion pour le sport, transmettre notre passion pour l'équilibre. Puis on je veux dire, d'être ici aujourd'hui, ici des 100 jeunes qui sont là, je peux en avoir quelques-uns qui vont commencer à pratiquer plus d'activités physiques ou perfectionner leur sport qu'ils pratiquent déjà. Mais ça va me faire extrêmement plaisir. C'est pour ça qu'on est ici. Laurent, si on parlait un peu de avant de parler de football, ton voyage à Pyeongchang, comment t'as trouvé ça? C'est vraiment une belle expérience. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques. C'est sur ma liste de choses à faire depuis que j'étais petit. Je pense que d'avoir la chance d'aller là-bas avec Radio-Canada m'a donné des accès que j'aurais même pas pu imaginer, puis de pouvoir montrer un peu le behind the scenes et qu'est-ce qui se passe dans la vie des athlètes aux Jeux Olympiques. Mais c'est une chance incroyable. Puis, de pouvoir le montrer aux téléspectateurs, je pense que c'est une belle opportunité pour moi. OK. Laurent, si on parle un peu maintenant des Chiefs de Kansas City, je me rappelle très bien d'une conférence de presse après la saison où ce que tu souhaitais vraiment qu'Alex Smith reste avec les Chiefs de Kansas City. Finalement, il a été échangé aux Redskins de Washington. Les Chiefs ont décidé de faire confiance en Pat Mahomes. Comment tu vois ça, l'arrivée de Pat Mahomes comme cœur partant des Chiefs de Kansas City? Ben, je pense que tôt ou tard, il fallait que ça arrive. Je veux dire, on a quand même repêché Patrick Mahomes, qui a un excellent corps. On a échangé pour aller le chercher plus haut en première ronde. C'est quelqu'un qui a un talent incroyable, un bras incroyable. Il l'a montré en fin de saison contre Denver, alors qu'il a gagné la partie contre Denver, le dernier match de la saison. Donc, non, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. C'est juste une question de se synchroniser. On sait à quel point la ligne offensive est influencée par les décisions du corps arrière. D'avoir un corps arrière qui est derrière, qui a beaucoup de confiance, de prestance, comme Alex Smith, c'est sûr que Patrick va apprendre. Il va avoir du temps pour le faire au courant de cette pré-saison. Il fait 4 entraînements, un autre mois, 4 matchs pré-saison. Donc, il va arriver prêt pour le début de la saison en 2018. OK. Je regarde actuellement, parce qu'on est actuellement en plein, c'était la folie la semaine passée des joueurs autonomes dans la NFL. Vous avez signé Chad Haney. Donc ça, c'est l'acquisition d'un vétéran, j'imagine, pour aider également l'excellent Pat Mahomes. T'as Dawson Calcutt comme batteur, Jarvis Jenkins. Mais la question la plus importante, ça peut être qui? Ça peut être Sammy Watkins. Lui, c'est un gars qui peut aller dans les zones profondes, là. Ouais, non, clairement, mais tu sais, on a beaucoup de d'armes différentes dans la partie. On a Travis Kelce qui fait un excellent travail. On a Travis Kelce qui a fait des attrapés spectaculaires la saison dernière pour les toucher les bonnes distances. Mais je pense que c'est un petit peu d'avoir un wide receiver qui est très technique, mais qui est capable aussi d'aller en zone profonde pour attraper des longs gains. Ça va nous aider au niveau de notre offensive. Je suis vraiment content qu'on ait été le chercher. J'ai l'impression que c'est un peu comme la succession à Jeremy McNeil qu'on avait eu dans les dernières années. OK. Les Raiders. Écoute, les Raiders, c'est une de mes équipes que j'aime beaucoup. Ils sont allés chercher John Gruden à gros prix. Ça a donné quand même plusieurs joueurs. Jordy Nelson, Doug Martin et ainsi de suite. On dit Gruden a influencé beaucoup. Ça a été une équipe l'an passé qui a eu beaucoup de difficultés, mais ils font partie de votre division. Donc, avec l'acquisition de lui, Case Keenum à Denver également, les Chargers qui ont montré de belles choses l'an passé. Ça va devenir une division très, très compétitive. Hein? Oui, mais ça, je pense que dans les dernières années, là, sauf l'année dernière, ça a toujours été une division très compétitive. Moi, je me rappelle une saison où on a les Chiefs, ça avait une fiche de 10-6, puis qui est arrivé deuxième, puis qu'on avait fait de justesse les séries à cause du wild card. Donc, définitivement, une division avec beaucoup de talent, puis beaucoup de talent au niveau des lignes défensives. Von Miller, Cleo Mack, Bosa, c'est probablement les trois meilleurs pass rushers de la ligue, puis on doit les affronter à 6 fois par année. Donc, vraiment beaucoup de talent, puis ça va être intéressant de voir comment ça va se développer avec les prochaines semaines dans le free agency. OK. Ben, Laurent, merci beaucoup m'avoir accordé quelques minutes. J'ai l'impression que tu vas en faire plusieurs entrevues aujourd'hui. Écoute, c'est rare que le sportif pas mal le plus en vue au Québec actuellement vient dans la région. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec moi. Ouais, ben, merci à toi, puis bonne journée. Des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif.